Merci Mathieu Garrigou-Lagrange, à la semaine prochaine. S'il y a bien un phénomène que l'humanité en général et les scientifiques en particulier ont eu du mal à appréhender et sur lequel ils ont longtemps fait fausse route, c'est celui de la chaleur. Qu'est-ce donc que cette chose qui peut amener à la combustion, qui transforme les matériaux, qui les réduit ou qui, dans le sens inverse, les fige ? Est-ce une composante intrinsèque, un élément flamme, le phlogistique, un fluide élastique ? Ou est-ce que, comme le montrera une toute nouvelle discipline qui apparaît vers la fin du XVIIIe siècle, une conséquence du mouvement et de l'agitation des gaz, c'est l'histoire de la thermodynamique que nous allons vous raconter. Thermodynamique, quand la chaleur devint mouvement, c'est le programme agité qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous raconter cette histoire de la compréhension des phénomènes de dégagement de chaleur et de leur lien avec la mesure de la température, sans oublier la théorie des gaz parfaits et l'apparition de la notion d'entropie, tout ça en une heure, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Emmanuel Bertrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'ESPCI Paris, chercheur au centre Alexandre Coiré d'histoire des sciences et des techniques, et Camille Fadel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du département physique du Palais de la Découverte. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur franceculture.fr, en podcast de préférence via l'excellente application de Radio France et comme toujours en complément via notre fil Twitter où nous allons poster, eh bien comme toujours, un certain nombre de liens, d'études, de schémas aussi. Ce sera important aujourd'hui pour compléter notre discussion du jour. C'est sur le compte @laméthodefc. La chaleur, nous l'avions constaté dès notre premier examen, ne se présente pas sous le seul aspect du plus ou moins chaud. Même en nous limitant aux seuls aspects sensibles, nous avons décelé un autre rapport. Les actions mécaniques, telles que le frottement, chimiques, électriques, dégagent de la chaleur. Selon une expérience classique, un clou frotté, une machine qui tourne, une balle de fusil qui s'écrase sur un blindage dégage de la chaleur. Réciproquement, une chaleur en se dégageant est susceptible d'une action mécanique. Regardez une locomotive. Sans qu'il soit besoin d'insister davantage, on se rappellera ce que nous avons dit. La chaleur est une forme de l'énergie. C'est à cette face nouvelle du problème que nous allons désormais nous intéresser. Nous allons en effet nous occuper de thermodynamique. Voilà, extrait de l'heure de la culture française. C'était sur la radiodiffusion française le 15 novembre 1950. C'est une sorte d'introduction parfaite à cette émission, Emmanuel Bertrand. Oui, effectivement, la thermodynamique, c'est, si on veut faire simple, la science de la chaleur. Mais surtout, c'est un exemple, à mon sens, très intéressant et très important en histoire des sciences parce que c'est un exemple qui montre que l'idée reçue qu'on a généralement quand on pense aux sciences, à savoir qu'il y a d'abord des théories, puis qu'ensuite viennent les applications éventuelles, puis la commercialisation des innovations technologiques, eh bien c'est un contre-exemple parfait de cette idée reçue, à savoir que la thermodynamique est une discipline qui naît bien après ses propres applications. Et on y reviendra certainement, mais c'est d'abord un travail de bricoleur, d'ingénieur pour développer la machine à vapeur, et c'est seulement bien après que la formalisation théorique et que la scientificisation de ces innovations intervient. Camille Fadel. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, et j'ajouterais simplement que je pense aussi c'est la discipline qui étudie la chaleur, mais aussi ses transformations en mouvement. Et on aura justement, on sera amené à parler de ça, puisque c'est justement les moteurs thermiques qui ont été à l'origine du développement de cette discipline. thermodynamique, la chaleur et le mouvement en un seul mot. Je le disais dans l'introduction, hein, comprendre ces phénomènes calorifiques, d'où vient la chaleur, pourquoi la combustion, ça a été un cheminement intellectuel très compliqué. La science, l'humanité entière et la science en particulier, je le disais, a longtemps fait fausse route. Pourquoi, Emmanuel Bertrand? Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait une théorie qui s'est avérée par la suite fausse, mais qui était partagée par la grande majorité des gens qui s'intéressaient à ces questions-là. C'est la théorie de la conservation du calorique. C'est-à-dire que longtemps, la chaleur a été nommée calorique. Et ce calorique, c'est quoi? Eh bien, c'est un fluide sans masse, donc on dit impondérable, un fluide qui en fait, selon Lavoisier par exemple, remplit les interstices de la matière. C'est-à-dire il y a des composants élémentaires dans la matière, et puis entre ces composants, entre ces particules, il y a du calorique. Et donc toutes les premières théorisations de la thermodynamique ont reposé sur cette idée qu'il y avait un fluide qui se transmettait, qui pouvait se transmettre d'un corps à un autre et communiquer donc de la chaleur, mais avec à chaque fois conservation de ce fluide, conservation de ce calorique. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on verra que les premières bases de la thermodynamique ont été posées en continuant à garder cette acception du calorique et donc en partant finalement d'une base scientifique faussée. Exactement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est aussi un très bel exemple, et en l'occurrence les travaux de Sadi Carnot, sur lequel on reviendra certainement, un très bel exemple du fait qu'on peut trouver des résultats justes, confirmés par l'expérience, en partant d'un principe complètement faux. Alors, pas faux à l'époque on pense qu'il est vrai, mais démontré comme inexact par la suite. Et malgré tout, on arrive à développer une science qui se tient, qui a des prévisions justes et vérifiées par l'expérience. Tout simplement pour une raison toute bête, c'est qu'en fait, il y avait dans ces élaborations théoriques deux erreurs qui se compensaient. Il y a le calorique et puis il y a une autre théorie qui a longtemps aussi été considérée comme valide, c'est la théorie du phlogistique, l'existence d'un élément flamme. De quoi s'agit-il, Camille Fadel? Ah, alors le phlogistique, on imaginait que lorsqu'un corps brûle, un papier ou un morceau de bois brûle, on imaginait que cette chaleur qui se dégage était déjà à l'intérieur et que ce phlogistique est libéré lorsqu'il y a combustion. Et les corps qui peuvent brûler, du coup, sont les corps qui contiennent du phlogistique. Et une fois qu'on n'a plus que les cendres, eh ben, il n'y a plus de phlogistique et c'est la raison pour laquelle ça ne peut pas brûler. Donc on considérait que la combustion, c'est la sortie du phlogistique. Et c'est à la fin du XVIIIe siècle, vers 1777, que Lavoisier montre qu'en fait, ce n'est pas la sortie de quelque chose, c'est l'ajout d'oxygène, c'est l'oxydation. En fait, il y a aussi une confusion qui a longtemps duré, c'est la confusion entre chaleur et température. Il était difficile de dissocier les deux, Emmanuel Bertrand. Exactement, et en fait, c'était d'autant plus difficile que justement, cette théorie du calorique, cette idée que la chaleur, c'était un fluide qui passait d'un corps à un autre, faussait la compréhension de ce qu'était un thermomètre, tout simplement. C'est-à-dire que l'idée du thermomètre, c'était en fait, on a de la chaleur qui passe d'un corps, donc un mouvement d'un fluide qui passe d'un corps à un instrument de mesure, et qui donne une température. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, localement, ont été définit énormément d'échelles de température différentes, ce qui ajoutait une difficulté, c'était qui était celle de trouver l'unité de ce concept de température, qui effectivement est resté relativement flou un certain temps. Camille Fadel, je voudrais ajouter une chose par rapport à ce que vous venez de dire. Vous avez dit avait, mais je pense que c'est toujours vrai, c'est-à-dire que la majeure partie des gens, je pense, ne sont pas en mesure de faire la distinction entre ce qu'est la chaleur et ce qu'est la température. C'est encore vrai de nos jours. Et dans la vie courante, il me semble qu'il arrive souvent qu'on emploie le mot chaleur là où il faut dire température, et on emploie le mot température là où il faut dire chaleur. Et alors, quelle est la différence entre chaleur et température, outre le fait que l'une est une mesure et l'autre est une énergie? Si on voulait faire un saut dans cette émission, la température est une indication, en fait, de la vitesse, plus précis, l'énergie cinétique d'agitation, ça révèle l'agitation des atomes de la matière, à quel degré c'est agité. Et la chaleur, c'est ce qu'échangent deux corps qui ne sont pas à la même température. Pour égaliser leur température, ils échangent de la chaleur. On peut donner comme exemple, par exemple, que l'eau, quand on la fait bouillir, on peut continuer à ajouter de la chaleur, mais sa température reste constante. Voilà. Alors là, c'est justement un contre-exemple, c'est que il y a des situations dans lesquelles on fournit de la chaleur, la température grimpe. C'est le cas de l'eau à 20 degrés dans une pièce. Mais une fois que l'eau a atteint 100 degrés, on continue de fournir de la chaleur. Et pourtant, la température ne grimpe pas, l'eau se met à bouillir. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous allons donc raconter au cours de cette heure l'émergence, l'apparition de la thermodynamique, de ses lois, de la compréhension de ces phénomènes de chaleur, de transmission de la chaleur et de mesure de la température. Nous en parlons avec Emmanuel Bertrand et Camille Fadel. Et comme vous le disiez très justement au début de cette émission, Emmanuel Bertrand, la thermodynamique, c'est l'un des rares domaines scientifiques où l'ingénierie conduit à l'avancée en sciences fondamentales. Et le départ de l'ingénierie, le premier pas, la machine, c'est le XVIIe siècle, la chaudière à soupape de Denis Papin. Exactement. En fait, c'est même, on peut dire que c'est même la fin du XVIe siècle, XVIIe. En tous les cas, il y a énormément d'ingénieurs qui se posent une question très simple, c'est-à-dire que on veut extraire des minéraux, par exemple du charbon, en tous les cas des matières premières dans le sous-sol, et il faut évacuer l'eau qui se trouve dans les mines. Pour ça, on a donc besoin d'une puissance motrice, c'est-à-dire quelque chose qui travaille pour nous. Et donc, on va mettre en place des machines à vapeur qui vont être améliorées, effectivement, par Denis Papin à la fin du XVIIe, qui est un inventeur français. Et puis, là, c'est un petit cocorico, on parle de Denis Papin, mais la vérité, il faut dire que ce sont quand même essentiellement les ingénieurs britanniques qui perfectionnent les uns après les autres cette machine. On peut citer les noms de Thomas Newcomen et celui le plus célèbre que nous connaissons tous, de James Watt. James Watt, plus tard, 1769, la fameuse machine à vapeur de James Watt. Comment on arrive, quel est le cheminement finalement technologique qui conduit à cette invention de la chaudière à soupape, puis de la machine à vapeur? Quelles sont les propriétés finalement de la matière, des gaz qui conduisent à créer ces instruments, Camille Fadel? En gros, ça consiste à prendre un récipient, mettre de l'eau dedans, chauffer l'eau, ça produit de la vapeur. Cette vapeur va pousser un piston et en avançant, ce piston va effectuer un travail, va faire tourner une roue ou que sais-je. Ensuite, pour ramener le piston en arrière, il suffit de condenser la vapeur, donc en refroidissant le cylindre. Le piston revient en arrière et on peut recommencer et ainsi de suite. Emmanuel Bertrand, les bases donc de cette première machine à vapeur, comment est-ce que du coup on comprend à cette époque-là ce qui se passe à l'intérieur, justement cette notion de gaz qui s'étend, qui se distend, qui se contracte? Eh bien, à l'origine, il n'y a pas vraiment de théorie pour comprendre ce qui se passe. C'est très empirique. C'est-à-dire qu'on constate, et c'est une expérience effectivement que les gens peuvent vivre de façon quotidienne, le sens commun montre que effectivement un gaz en se chauffant se dilate. Et du coup, se dilatant, il occupe plus d'espace et donc il peut pousser des parois et donc produire un travail. Ce qui est intéressant, c'est que justement l'effort n'a pas porté sur à l'origine sur la compréhension de ce phénomène, mais plutôt sur essayer d'améliorer l'efficacité. C'est-à-dire qu'on sait produire du travail. L'idée, c'est dans une sorte de proto-industrie. On est avant la révolution industrielle, mais quand même l'idée, c'est essayons d'être le plus efficace possible et avec la même quantité de chaleur, avec la même énergie. On parle pas encore d'énergie à cette époque, mais avec le même feu, on va dire, produire plus de travail et donc être plus efficace. Et comment on aboutit à ça? Alors un moment important, comme on l'a signalé juste avant, c'est celui de la machine de James Watt, parce que James Watt, il apporte quelque chose avec cette machine qu'on appelle machine à double effet, où en fait, son idée, c'est de se dire, voilà, en fait, en général, on utilise le moment où le piston est poussé par la vapeur pour produire du travail, et le moment où le piston est rétracté n'est qu'un moment, c'est du travail perdu en fait, on revient là pour pouvoir recommencer cette opération. Il se dit en fait, on pourrait utiliser le travail qui est développé dans les deux cas, aussi bien lors de l'avancée que lors du recul du piston. Et ça va être quelque chose de très important, il va breveter beaucoup de choses. Alors il y a eu beaucoup de polémiques d'ailleurs sur les brevets de James Watt, il y a eu beaucoup de controverses, beaucoup de gens ont dit qu'il brevetait des choses qu'il n'avait pas inventées lui-même. Quoi qu'il en soit, il brevette notamment en 1784 la locomotive à vapeur qui fonctionne sur ce principe de cette amélioration de la machine à vapeur qu'il a effectuée. Et à partir de quel moment, justement, est-ce que des scientifiques commencent à essayer de comprendre, de théoriser, de mettre en loi ce qui est en train de se passer dans ces fameuses machines à vapeur, Camille Fadel? Je pense que l'un des premiers qui, ou le premier sans doute même, qui vraiment essaie théoriquement de voir si on peut indéfiniment augmenter le rendement, améliorer le rendement, utiliser le moins possible d'énergie de la chaleur pour produire le même travail, bah c'est Carnot justement en 1824 quand il publie un texte à ce sujet. Et là, c'est vraiment le début, je pense qu'on peut dire, la vraie thermodynamique démarre à peu près à ce moment-là. L'acte de naissance de la thermodynamique, que postule Sadie Carnot, Emmanuel Bertrand? Juste un point, peut-être de pinaillage d'historien, mais qui me semble intéressant. C'est toujours intéressant, les pinaillages d'historien. C'est pour ça qu'on est là. C'est que, effectivement, je suis entièrement d'accord avec mon collègue, à savoir que l'acte de naissance de la thermodynamique, c'est 1824, mais en même temps, dire ça, c'est aussi un peu faire un anachronisme. Parce que, à ce moment-là, le terme thermodynamique n'existe pas. Et, le titre du mémoire de Carnot, c'est Réflexion sur la puissance motrice du feu. Donc, on parle de puissance du feu, mais pas de thermodynamique. C'est seulement en 1849 que William Thomson, aussi connu comme Lord Kelvin, va proposer le mot thermodynamique. Et alors, pour revenir sur Sadie Carnot, aussi une petite chose qui me semble potentiellement intéressante pour les auditeurs, c'est de ne pas confondre avec l'autre Sadie Carnot. En fait, il y a dans l'histoire de France deux Sadie Carnot, et donc la plupart des lycées Carnot, des boulevards Carnot, font référence à un autre Carnot qui en fait est le neveu de celui dont on parle aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'il est connu, et donc pourquoi est-ce qu'il mérite autant de noms de bâtiments ou d'institutions? C'est parce qu'il sera président de la République sous la Troisième République. Et assassiné comme on le sait. Ce qui nous intéresse du coup, c'est le physicien. Que postule-t-il exactement dans ce texte de 1824? Il va produire en fait une expérience de pensée, produire une sorte de machine idéale en fait. Exactement. En fait, sa question centrale qu'il énonce dès le début de son mémoire en 1824, c'est de savoir, voilà, bon, en gros, l'idée, il rend hommage à tous ces bricoleurs, tous ces ingénieurs qui ont amélioré la puissance motrice du feu, donc le rendement des machines thermiques. Mais il se dit, voilà, maintenant, est-ce qu'on peut essayer de rationaliser tout ça et de voir s'il n'y a pas un moyen de trouver quel est le rendement maximal? Est-ce qu'on peut trouver une machine la plus parfaite possible? Pour ça, il fait effectivement une expérience de pensée qui a gardé son nom, puisqu'on parle aujourd'hui de cycle de Carnot pour ce moteur ou de machine de Carnot. En fait, c'est une expérience de pensée dans laquelle, pour faire simple, tous les processus au cours de la production de mouvement sont dits réversibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en quelque sorte, il n'y a pas de frottement. C'est-à-dire qu'on est dans un monde parfait où tout marche bien. Et il montre que dans ces conditions de réversibilité, on a un rendement maximal et qu'il est impossible, quoi qu'on fasse, de le dépasser. En particulier, la question qui se pose à l'époque, c'est tout le monde utilise de la vapeur d'eau. La question, c'est est-ce que si on utilisait autre chose, je ne sais pas, de la vapeur d'alcool, n'importe quoi, ce serait plus efficace? Et il prouve que non, absolument pas. L'efficacité, le rendement d'une machine à vapeur ne dépend pas de la nature chimique du composé qu'on utilise à l'intérieur. Camille Fadel. Concernant la réversibilité, effectivement, je pense que ce n'est pas une notion très simple à saisir. Et si vous me permettez, je vais essayer de l'exprimer pour les auditeurs. L'idée est la suivante, c'est que dans tout moteur, on fournit de la chaleur et cette chaleur fournie devient mouvement. Simplement, on peut fournir la chaleur de plusieurs manières différentes. Si on prend l'exemple que je prenais il y a quelques instants, si je prends un cylindre dans lequel un piston peut coulisser, je peux fournir de la chaleur à l'air, mettons, qui est dans le cylindre, en plongeant l'ensemble dans un bain chaud. Mais je peux faire en sorte que la température de l'air qui est dedans grimpe ou ne grimpe pas. Et ça peut paraître surprenant. Il y a des situations dans lesquelles on fournit de la chaleur et la température grimpe, mais il y en a d'autres dans lesquelles on fournit de la chaleur et la température ne grimpe pas. Alors par rapport à cet exemple, si vous prenez le cylindre et vous le plongez dans le bain chaud et vous empêchez le piston de bouger, la température de l'air dans le cylindre va grimper. Mais si vous faites en sorte que la température ne change pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez fourni de la chaleur et pourtant la température n'a pas changé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le piston a bougé. Donc on a transformé la chaleur en travail et ça, c'est réversible parce qu'on peut maintenant retransformer le travail en chaleur. Alors que si le piston n'avait pas bougé, une fois que vous avez chauffé l'air qui est dans le cylindre, vous ne pouvez plus faire l'inverse. Et la chaleur est dissipée. Voilà. C'est important, hein, ce principe sur lequel vient de revenir Camille Fadel, le principe de réversibilité, puisque justement ça va être contredit par la suite de l'évolution et de la compréhension de ces mécaniques de la thermodynamique. Effectivement, c'est très important. Je pense qu'il serait bon peut-être de revenir dessus plus tard, à l'occasion de quand on parlera des travaux de Boltzmann. Parce que pour l'instant, c'est pas vraiment un principe qui est débattu, enfin pour l'instant, en 1824. Hein, à ce moment-là, au moment où c'est énoncé, ça fait plus ou moins consensus, c'est pas là qu'est le problème. Ce qui est intéressant, moi je pense, si on veut résumer et retenir une chose de ces travaux de Sadi Carnot, c'est en gros lui qui pose quelque chose qui va être essentiel par la suite et qu'il n'appelle pas du tout ça, comme ça, il ne l'appelle pas second principe de la thermodynamique à l'époque, mais c'est lui qui pose la base de ce futur second principe. C'est-à-dire, que nous dit Carnot ? Et c'est un résultat qui, c'est très... très étonnant, parce que quand on le lit bien, ça semble relever de l'intuition. C'est quelque chose qu'il sent intuitivement, mais qu'il ne démontre pas. D'où cette appellation de principe. On pourrait même parler d'un axiome. On l'appellera par la suite principe de Carnot. Son idée, c'est de dire que si on veut produire du mouvement dans une machine thermique, on ne peut pas se contenter d'avoir une source de chaleur. Il faut aussi une source de froid. C'est ce qu'on appelle, de façon un peu plus pédante ou spécialiste, l'impossibilité d'un moteur thermique monotherme. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de moteur thermique avec une seule source de température. Il faut une source chaude et une source froide. La chaleur n'engendre la puissance motrice qu'à la condition de passer d'un corps chaud à un corps froid. Exactement. Et c'est intéressant parce que on va voir qu'effectivement, ce sont les bases de ce qui deviendra dans quelques années le second principe de la thermodynamique, avant même d'en poser le premier. La suite de Carnot, c'est quelques années après, Joule qui va montrer du coup ce qui expliquait d'une certaine manière Camille Fadel à l'instant, c'est-à-dire la correspondance entre le travail et la chaleur, l'équivalent mécanique de la chaleur. Justement, parce que dans la théorie du calorique, on en parlait tout à l'heure, on ne comprenait pas pourquoi la détente d'un gaz devrait s'accompagner d'un refroidissement. Parce que si le calorique est là, ben, il est là, il n'a pas disparu. C'est bien que les gens imaginaient qu'en fait il était là, mais puisque ça s'était refroidi, c'est qu'il était caché quelque part. Et donc les gens parlaient d'une chaleur cachée, le calorique caché, latente, quelque chose comme ça. Mais c'est Joule, effectivement, qui dans les années 1840, et qui est, je pense, le premier à comprendre que dans la mesure où lorsqu'un gaz se détend dans le vide, ça c'est important, sa température ne change pas, ne diminue pas. Et dans la mesure où en se détendant dans le vide, ce gaz n'a rien fait, à part occuper un volume plus grand, Joule comprend que c'est parce qu'il effectue un travail que sa température chute. Et que donc, il commence à établir le lien entre la variation de température due à un échange de chaleur et la variation de température due à un travail. Et donc, à une équivalence peut-être chaleur-travail. Emmanuel Bertrand. Oui, et ce qui est intéressant aussi chez Joule, c'est que quelque part, on pourrait dire qu'il va faire beaucoup d'expériences. Hein. C'est moins un théoricien comme Sadi Carnot pouvait l'être. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui fait des expériences, qui multiplie les expériences dans les années 1840, avec une expérience décisive en 1842, où en fait, ce qu'il fait, c'est quelque part, c'est un peu l'inverse de ce qu'est un moteur thermique. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser de la chaleur pour faire du travail, eh bien, il va utiliser du travail pour montrer que ce travail peut être intégralement converti en chaleur. Et ce qu'il fait comment? Eh bien, il plonge des pales dans de l'eau. Il fait, en gros, il fait bouger un mobile à l'intérieur de l'eau, et ces forces de frottement, le fait que quelque chose frotte dans l'eau, va provoquer une augmentation de la température de l'eau, qui est la signature du fait que ce mouvement a transmis de la chaleur à l'eau. Et donc le travail, le mouvement, s'est converti en chaleur. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est la première preuve expérimentale qui va, en gros, très rapidement, sur un laps de temps très bref, nous débarrasser l'histoire des sciences de cette théorie du calorique. Puisqu'en gros, ça prouve qu'il y a une équivalence entre la chaleur et le travail, et donc que la chaleur ne se conserve pas, puisque cette chaleur, elle est sortie entre guillemets de rien. Il n'y avait pas de chaleur, et tout à coup, il y a de la chaleur. Donc, elle ne se conserve pas. Donc, c'en est fini du principe de conservation du calorique. Et si on continue à avancer, mais tout ça se passe en très très peu d'années, hein, puisque Sadi Carnot, on est en 1824, Joule dans les années 1840, la personne qui va fixer l'ensemble de ces apports, qui va formaliser en quelque sorte un peu ces différents principes qu'on appelle aujourd'hui principes de la thermodynamique, avant que Kelvin ne nomme même, n'utilise ce mot de thermodynamique, c'est Rudolf Clausius, Emmanuel Bertrand. Exactement. De même qu'on pouvait dire quelque part que Sadi Carnot était le pionnier de la, disons, la disciplinarisation, c'est-à-dire de le pionnier de la thermodynamique, c'est-à-dire de l'avènement de la thermodynamique comme science rationnelle, positive, dirait Auguste Comte, et non plus méthode d'ingénieur. Donc Sadi Carnot est le pionnier, mais celui qui met de l'ordre dans les pensées de Sadi Carnot, c'est Rudolf Clausius. Parce que Clausius a un énorme avantage sur Carnot, c'est que lui sait que le principe du calorique est désormais considéré, à juste titre, comme obsolète. Faux. Voilà. Et donc lui, il peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'il peut reprendre les idées de Carnot et les épurer de toutes les scories, de toutes les erreurs qu'elles contiennent, et du coup pouvoir aller plus loin. C'est-à-dire que Carnot était à plusieurs reprises dans des impasses. Et puis ce que fait aussi, qui est très intéressant du point de vue de l'histoire des sciences, Clausius, alors c'est pas le premier, il y a eu Clapeyron entre les deux, mais disons, ce qu'il fait d'intéressant, c'est qu'il mathématise tout ça. Il met des maths partout. Parce que ce qui est très, très non intuitif peut-être pour quelqu'un qui dirait, bah voilà, cette émission m'a intéressé, je vais lire le mémoire de Carnot. Eh bien Carnot, il n'y a pas de maths. Carnot, c'est presque comme si vous lisiez un philosophe, ou de la littérature, ou une nouvelle, un roman. Il y a beaucoup de phrases, et du coup, c'est assez compliqué à comprendre pour nous qui sommes accoutumés à ce que bah, les sciences, c'est mathématisé. Les sciences, il y a des formules, il y a des lois, il y a des théorèmes. Chez Carnot, il n'y en a pas. Alors que chez Clausius, il y en a. C'est-à-dire que c'est celui qui opère la formalisation mathématique de la thermodynamique. Camille Fadel. Oui, ben, effectivement, en quelque sorte, le langage mathématique permet de raccourcir, de condenser, au lieu d'utiliser des phrases extrêmement longues. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est que, effectivement, lorsque Carnot, en 1824, il écrit ce livre, et où il comprend que le moteur de meilleur rendement, c'est le moteur réversible, en s'appuyant sur cette fausse conception de la chaleur, qui considère que le calorique est une substance et qui se conserve, quelques années plus tard, je pense que c'est vers 1830 ou 31, Carnot est mort en 32, je pense que c'était en 31. En 31, Carnot prend conscience qu'en fait, le calorique, vraisemblablement, n'est pas une grandeur qui se conserve. Et cette prise de conscience lui fait croire que donc, sa théorie de 1824, à savoir que le moteur de meilleur rendement, c'est le moteur réversible, est du coup faux. Et pourtant, on montrera plus tard, et je crois que c'est le travail de Clausius qui montre que malgré cette erreur, le résultat auquel est arrivé Carnot est juste. Comment est-ce qu'il mathématise tout ça, Clausius? Qu'est-ce qu'il pose exactement comme principe, comme grande équivalence en fait? Alors ce que fait Clausius finalement, c'est quelqu'un qui a un esprit très synthétique, c'est-à-dire qu'il arrive à synthétiser tout ce qui a été fait pendant les 30 dernières années. C'est-à-dire c'est celui qui fait le pont entre Carnot, Joule, Thomson et qui pose quelque part les grands principes de la thermodynamique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se dit la thermodynamique va pouvoir un peu à la manière par exemple de la géométrie euclidienne, c'est-à-dire reposer sur quelques axiomes de base, et à partir de ça on peut tout dérouler et obtenir énormément de conséquences vérifiées expérimentalement. Et donc les deux principes, eh bien il reprend les travaux de Joule de l'équivalence de la chaleur et du travail pour poser le premier principe de la thermodynamique, qui en gros, pour faire simple, dit l'énergie se conserve. Et il reprend le principe de Carnot et les travaux de Carnot pour dire, eh bien finalement, fondamentalement, qu'est-ce que nous dit Carnot? Il nous dit que la chaleur ne peut jamais passer spontanément d'un corps froid à un corps chaud. Et c'est ça qu'il appelle second principe, qu'il développera ensuite mathématiquement. Et on verra que ce second principe va évoluer effectivement, mais vous avez cité, et on a cité depuis quelques minutes, un nom très important, celui de William Thomson, alias Lord Kelvin, qui a aussi son importance, on en parle dans un instant. In the heat of the night. Seems like a cold sweat creeping across my brow. Yeah, in the heat of night. from the skies, all mean and bright. In the heat of the night, ain't a woman yet been born. Knows how to make the morn. Sell my soul for just a little light in the heat of the night. In the heat of the night, I've got trouble wall to wall. Oh, yes, I have. In the night, must be an ending to it all. But hold on, it won't be long. Just you be strong, and it'll be all right. Dans la chaleur de la nuit, in the heat of the night, Ray Charles sur France Culture dans la méthode scientifique pour parler de chaleur, de température, pas forcément dans la nuit d'ailleurs, même de jour. Bref, un peu n'importe où puisque nous parlons de l'histoire de la thermodynamique tout au long de cette heure en compagnie d'Emmanuel Bertrand qui est maître de conférence à l'ESPCI Paris et chercheur au centre Alexandre Coiré d'histoire des sciences et des techniques et avec Camille Fadel qui est responsable du département physique du Palais de la Découverte. Fin de ce suspense insoutenable qui vous a tenu pendant ces quelques minutes musicales. Qui était donc Emmanuel Bertrand, ce fameux Lord Kelvin qui a donné son nom à une unité de mesure de la température et qui s'appelait dans la vie civile William Thomson? Eh bien, ce William Thomson, c'est un savant, un physicien britannique qui sera anobli d'ailleurs tardivement par rapport aux épisodes qui nous intéressent. Je me souviens plus trop, je crois vers 1867. En tous les cas, il est anobli parce qu'il a contribué à l'effort industriel de la Grande-Bretagne. Donc il n'est pas anobli, je crois à propos des liaisons télégraphiques. Enfin, il n'est pas anobli à strictement parler pour ses accomplissements scientifiques. Oui, c'est plutôt... les liaisons télégraphiques qui passent dans l'eau au fond des mers et voilà, des océans. Exactement. Et alors, lui, son apport dans cette histoire, ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier à aller chercher ce concept d'énergie pour parler de tout ce que, justement, on a du mal à saisir à cette époque-là. C'est-à-dire, la chaleur, vous voyez qu'on est dans une forme de transformation. On pensait que c'était un fluide matériel. Finalement, ça devient quelque chose d'un peu insaisissable. Le travail, c'est pareil. On en voit les effets, mais on sait pas trop ce que c'est. Eh bien, pour unifier tout ça, il propose le concept d'énergie qui existait déjà. Il a pas créé le concept d'énergie. Mais il était avant très associé aux forces, à la mécanique newtonienne. Là, c'est l'énergie. Énergie thermique, en quelque sorte, qu'on appellera plus tard, ce serait un anachronisme, il ne l'appelle pas comme ça, mais qu'on appelle aujourd'hui l'énergie interne. En tous les cas, c'est lui qui propose ce concept d'énergie, dont on verra, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais qu'il va finir par convaincre Clausius, qui n'utilise pas ce terme, lui. Il parle de contenu, de chaleur et d'œuvre, pour ramasser à la chaleur et le travail sous un même terme. Il ne se convertit pas tout de suite à ce terme d'énergie, mais ce terme d'énergie va l'emporter largement. Et puis surtout, pourquoi est-ce que William Thomson est connu, justement, comme vous l'avez dit, pour les Kelvin? Pourquoi? Parce que c'est lui qui propose l'échelle de température absolue, qui enfin permet d'unifier et d'y voir un peu plus clair sur cette notion de température. Alors justement, revenons un peu sur cette histoire de la mesure de température. C'est une histoire là aussi sinueuse, complexe, et il faut du temps avant de s'accorder sur des unités, sur des méthodes de mesure de la température, Camille Fadel. Effectivement, puisque au XVIIe siècle, par exemple, ce qu'on appelait des thermomètres étaient souvent des instruments qui mesurent en même temps une pression. Et Cette mesure de température, finalement, qui est extrêmement importante par rapport à notre sujet, comme le disait tout à l'heure Emmanuel Bertrand, il y avait énormément d'échelles différentes qui faisaient qu'on ne saisissait vraiment pas à quoi correspondait la température. Et c'est justement grâce à Kelvin qu'on peut enfin établir une liaison entre ce qu'on appelle température et, en quelque sorte, concrétiser ce qu'est la température. S'il n'y a pas d'agitation, on est au zéro. Et plus ça s'agite, plus la température est élevée. Et c'est là qu'on comprend qu'il va falloir faire un petit crochet pour comprendre justement l'importance de cette mesure de température et l'apport de Lord Kelvin qui, soit dit en passant, a choisi ce nom de Kelvin parce que à cause de la rivière qui s'appelait Kelvin et qui coulait à proximité de son laboratoire à l'université de Glasgow, ça c'est pour la petite anecdote historique dont on raffole comme toujours, il faut faire un petit crochet, Emmanuel Bertrand, par quelque chose d'important et prendre le temps de l'expliquer, c'est la théorie des gaz parfaits. Oui, alors je dirais que plutôt que la théorie des gaz parfaits, même en amont de cette question-là, c'est la théorie de quoi est composée la matière. Voilà. En gros, l'idée, c'est ce qu'on a appelé l'hypothèse atomique, la théorie atomique, qui, à cette époque-là, ça peut nous sembler bizarre en 2019, mais l'immense majorité des physiciens du 19e siècle ne croient absolument pas à l'existence des atomes, des molécules, de toutes ces petites choses qu'on ne pourrait pas voir. Pour eux, la matière est continue, elle est ce qu'on voit à l'œil nu, point final. Ce qui est très intéressant justement dans cette hypothèse, alors formulée notamment par... Alors en fait, vous savez, en histoire des sciences, on a un petit dada, ou même les philosophes qui considèrent à dire que tout remonte à la Grèce antique. Donc on peut dire, et effectivement, cette idée des atomes, c'est Démocrite. D'accord. Néanmoins, ça n'a pas donné grand-chose à l'époque, et puis c'est pas une hypothèse qui a été reprise dans les siècles qui ont suivi. Elle est reformalisée par un chimiste, John Dalton, aux alentours de 1800, mais encore une fois, sans convaincre beaucoup la communauté des savants du 19e siècle. Ce qui est intéressant, et ça nous permet de reboucler avec ceux dont on parlait tout à l'heure, à savoir la personne de Rudolf Clausius, c'est que Clausius, il ne parle pas, pour ses travaux, il ne les appelle pas thermodynamiques. Il les appelle théorie mécanique de la chaleur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, pour lui, la chaleur, c'est une manifestation mécanique, c'est-à-dire c'est une manifestation du mouvement de ces composants élémentaires de la matière, appelons-les atomes, particules, molécules, peu importe. En tous les cas, l'idée pour Clausius, c'est donc que pour comprendre tout ce qu'il raconte sur la thermodynamique, pour comprendre la chaleur, il faut bien considérer que tout se passe à l'échelle en fait microscopique. C'est parce qu'il y a de l'agitation de molécules, d'atomes, de particules, qu'il y a de la chaleur et qu'il y a toute cette science qu'on appellera donc thermodynamique. Camille Fadel, tout de même pour boucler, effectivement, parce que il va y avoir à un moment donné cette jonction qui est faite entre, eh bien, ce que vient d'expliquer Emmanuel Bertrand, c'est-à-dire l'agitation de ces corpuscules, on va utiliser ce mot-là pour mettre tout le monde d'accord, et effectivement l'élévation de la température. Pour comprendre leur fonctionnement, il faut simplifier ces systèmes. La théorie des gaz parfaits, c'est une théorie des gaz simplifiée en quelque sorte. Ah, alors, effectivement, les gaz, à partir du moment où on commence, je pense qu'on peut dire que c'est dans la seconde moitié du 19e siècle, où on commence à vraiment, même si on n'en a pas la preuve, il y a de plus en plus de gens qui vont dans ce sens pour dire que, bon, il y a des corpuscules. Et l'agitation de ces corpuscules, ça va correspondre à la température. Le choc de ces corpuscules contre les parois, ça va correspondre à une pression. Et la notion de gaz parfait par rapport, effectivement, à ce que je disais tout à l'heure, va émerger un peu plus tard. Mais c'est lié à l'expérience de Joule. Si le gaz se détend et ne travaille pas, c'est-à-dire ne pousse pas un piston, n'effectue pas un travail extérieur, a priori, sa température ne devrait pas changer, puisqu'il n'a pas dépensé d'énergie. Cependant, si le gaz, les atomes, les corpuscules qui composent le gaz s'éloignent les uns des autres, eh ben, si ces particules ont tendance à s'attirer, ça veut dire que pour s'éloigner, il va falloir travailler en interne, en quelque sorte. Et finalement, en réalité, même si le gaz se détend dans le vide, sa température varie parce que il lutte contre des interactions internes. Si on néglige ces interactions internes, alors on parle de gaz parfait. Ça veut dire qu'en réalité, si on a affaire à un gaz dilué, on peut considérer que les interactions internes sont négligeables et que donc sa détente ne va pas s'accompagner d'un refroidissement. Emmanuel Bertrand. Oui, ce que j'ajouterais, c'est que le premier peut-être à proposer une théorie cinétique des gaz, c'est Krönig. En 1856, mais il va y avoir une effervescence autour de ça, puisque Clausius va s'y mettre un an plus tard, puis Maxwell en 1860, puis Boltzmann en 1868. En gros, ce qui est intéressant, c'est que, en considérant ces mouvements des corpuscules, donc à l'échelle microscopique, avant de comprendre, avant d'avoir l'idée d'essayer de voir pourquoi est-ce que ce que disait Clausius était vrai, en quoi est-ce que ça s'explique à cette échelle microscopique, d'abord l'idée ça va être d'essayer de comprendre la température et la pression. Surtout l'intérêt de ces théories cinétiques des gaz, c'est qu'elles vont permettre d'expliquer, de donner une interprétation de qu'est-ce que c'est que la température, comme l'a très bien dit mon collègue, mais aussi qu'est-ce que c'est que la pression. Et en fait, ce qu'ils vont dire, c'est que la pression, c'est simplement les chocs répétés des molécules, des particules, contre les parois du récipient dans lequel se trouve le gaz. Et alors, du coup, on parlait tout à l'heure avec Clausius de la mathématisation, justement, de ces lois nouvellement, prochainement appelées de la thermodynamique. Il y a une équation qui synthétise tout ça. Cette équation, c'est PV égale NRT. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste? Qu'est-ce qu'elle explique? Qu'est-ce qu'elle désigne, cette équation? Alors, PV égale NRT, il faudrait peut-être une émission entière pour l'expliquer. On va voir un reportage dans un instant qui va nous montrer comment on peut le démontrer expérimentalement. Mais c'est surtout une sédimentation de énormément de découvertes et de travaux au fil du temps. C'est-à-dire qu'on commence d'abord par les lois de Boyle, les lois de Mariotte, puis Gay-Lussac s'y met. Donc d'abord, on est sur plutôt PV égale constante. PV, c'est pression, alors, volume. Voilà, P, c'est la pression, V, c'est le volume. Donc d'abord, ce qu'on remarque expérimentalement, c'est qu'il semble y avoir, pour un corps donné, pour un gaz donné, la pression fois le volume, ça donne une constante. Bon, on comprend pas trop pourquoi. Petit à petit, on va comprendre que cette constante, elle est liée à la température. Donc ça nous donne du PV égale quelque chose fois T, proportionnel à T, dirons-nous. Alors ensuite, le NRT ou RT, là, c'est plus complexe. Là, il va falloir attendre Boltzmann pour introduire cette constante des gaz parfaits. Voilà. Mais intuitivement, je pense que c'est quelque chose qui se comprend. Si à la même température, si je diminue le volume d'un gaz, sa pression grimpe. En fait, c'est ce que dit en quelque sorte la formule, et c'est très intuitif. Mais je pense que on martèle tellement cette formule à l'école ou je vais peut-être à l'université, je ne me souviens pas à quel moment on apprend ça. On martèle tellement cette formule que beaucoup d'étudiants et d'autres finissent par croire que toute la thermodynamique peut s'expliquer par PV égale NRT. Et on finit par croire, par exemple, que sous prétexte qu'on est en train de pousser un piston vers l'intérieur, sa température va nécessairement grimper, alors que PV égale NRT ne dit rien concernant ce mouvement-là. PV égale NRT dit « j'ai un gaz qui a tel volume, telle pression, je peux déduire sa température ». Enfin, il faut qu'on ait deux paramètres pour déterminer le troisième, mais ce n'est pas un principe d'évolution qui dit ce qui va se passer lors d'une détente ou d'une compression. Pour essayer de comprendre, ou en tout cas d'incarner un peu cette équation, eh bien, nous sommes allés refaire des expériences comme elles se faisaient à cette époque. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé dans les laboratoires de Sorbonne Université pour refaire donc cette expérience de vérification expérimentale de la loi fondamentale des gaz parfaits. Oui, cette fameuse loi qu'on apprend au lycée, justement, PV égale NRT, est une relation qui a été formalisée en 1811 et qui décrit le comportement des gaz à basse pression. Ce qu'elle montre physiquement pour un gaz donné, c'est que la relation entre la pression, le volume, la température est indépendante de la nature du gaz. Et cette équation révèle une nouvelle compréhension de la température au niveau microscopique. Le fait que la température d'un gaz correspond à l'agitation des molécules qui le composent. Pour le vérifier, j'ai retrouvé Pascal Bernard, qui est le responsable de la plateforme de physique, et Bertrand Laforge, physicien des particules, autour de deux petites expériences. Alors là, vous voyez, c'est une expérience de thermodynamique, mettant en évidence la loi des gaz parfaits, PV égale NRT. Alors, donc c'est une expérience, on voit un diwar, c'est un conteneur dans lequel on a versé de l'azote liquide. Donc c'est l'azote liquide, donc c'est une température assez proche de moins de 100 degrés Celsius. Et voici un ballon donc que j'ai rempli d'air, hein, que j'ai gonflé. Hein, et on va le plonger et voir ce qui se passe lorsqu'on le plonge à l'intérieur. Voilà, alors le ballon Je le mets au-dessus et je le plonge à l'intérieur. Alors le ballon, initialement, est gonflé, hein, c'est-à-dire que les molécules de l'air qui se trouvent à l'intérieur exercent une pression sur l'ensemble de la membrane. Et donc on le voit... D'ailleurs, on peut observer le ballon en train de se flétrir. Oui, et vous voyez... En le plongeant de plus en plus dans l'azote liquide, on voit qu'il a une forme de... Comme il s'aplatit comme une crêpe. Alors, voilà, vous voyez. Voilà, il est complètement rétracté. Et lorsqu'on l'enlève du milieu, dans le conteneur qui contient l'azote liquide, et on le ramène à l'air libre, on voit que le ballon retrouve sa forme initiale, sa forme gonflée et non aplatie. Donc là, c'est un processus réversible, il a retrouvé exactement sa forme initiale. Oui, voilà. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que la thermodynamique, historiquement, c'était quelque chose, c'était une approche macroscopique des gaz. Et donc, c'était une manière de voir une loi naturelle qui reliait des quantités macroscopiques, c'est-à-dire qui caractérisent volume, température et pression. Et avec le développement de la physique statistique, c'est-à-dire... La tentative par les physiciens, avec la découverte du modèle atomique, de se dire que finalement les gaz sont composés de molécules qui ont des propriétés particulières et que finalement ce qu'on voit quand on regarde un gaz, c'est un mouvement d'ensemble de ces particules, bah, ça a permis de donner du sens à cette relation des gaz parfaits. Et globalement, vous allez trouver une relation qui va relier la pression à l'énergie cinétique moyenne des particules dans le gaz. Et ça, c'est intéressant, parce que quand vous avez cette relation et que vous connaissez l'ancienne loi de la thermodynamique macroscopique entre pression et température, ben ça vous permet de montrer que ces deux lois sont équivalentes, à condition de redéfinir la température. Ça vous permet de faire un pont entre deux niveaux de description, le niveau microscopique et le niveau macroscopique. Pour le dire plus clairement, en fait, dans ce type de gaz, ce qui donne la température, c'est l'agitation des molécules qu'il compose. L'agitation thermique. Oui, alors c'est exactement ça. La redéfinition de la température comme étant liée à l'énergie cinétique moyenne. L'énergie cinétique, c'est 1,5 de MV2 pour une particule. Et donc, c'est directement lié à la distribution des vitesses dans le gaz. Alors, maintenant, on va vous montrer une autre expérience. L'expérience est constituée donc, d'une seringue qui donc, a deux capteurs. Un de pression et puis un autre de température, hein, pour qu'on ait bien les différents paramètres de la relation des gaz parfaits. Et ces deux capteurs vont être liés à une centrale d'acquisition. Ces mesures vont ensuite être transférées à un ordinateur qui a un logiciel et qui va permettre d'afficher les valeurs sur deux graphes. L'une, pression qu'on exerce sur l'air dans la seringue en fonction du temps, et l'autre, la température à l'intérieur de l'air, à l'intérieur de la seringue, en fonction du temps. Ce qu'on va pouvoir observer, c'est la compression suivie de la détente du gaz. Voilà, donc dans cette expérience, je vais laisser Pascal faire l'expérience, on va comprimer dans un premier temps, le gaz à l'intérieur, et on va regarder ce qui va se passer à la fois pour la pression et pour la température. Alors, on va mettre en route la centrale d'acquisition. Alors, je compresse la seringue, qui est constituée initialement d'un volume d'air d'un peu moins de 60 millilitres. Donc, je fais une compression à un autre volume. Donc là, on descend jusqu'à un volume d'environ 30 millilitres. Et je stabilise. Hop, je comprime. Et on voit qu'au même moment, il y a un pic de température. Alors, il y a déjà un pic de pression parce qu'on comprime assez fortement l'air. Et bien sûr, il y a un pic de température lié à cette pression soudaine sur l'air. Cette température va aller vers une stabilisation, hein, parce que le pic de l'élévation de température est aussi lié au fait que la seringue n'est pas parfaitement isolée thermiquement. Et puis, bien sûr, là, on a fait une compression. Et puis, en relâchant le piston de cette seringue, on réalise ce qu'on appelle une détente. Donc là, vous venez de relâcher le piston et on voit que la pression a chuté, ainsi que la température, et que ça revient à nouveau vers un état initial et un état d'équilibre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde maintenant tout au long de la transformation compression puis décompression du gaz, c'est qu'on est capable de faire varier positivement ou négativement la température d'un gaz, soit en le comprimant, soit en le décomprimant. Donc là, on vient encore une fois de vérifier cette formule fondamentale. Voilà, tout à fait. Donc on voit bien c'est la chose importante qu'on peut démontrer avec cette expérience, c'est que l'état du gaz est bien caractérisé par trois quantités fondamentales, qui sont la pression, la température et le volume, qui n'évoluent pas indépendamment les unes des autres. Et c'est tout l'enjeu de cette équation d'état, c'est que les trois quantités sont reliées par une équation physique, PV égale NRT. Et voilà comment, avec une expérience, vous avez maintenant tout compris à PV égale NRT. Grâce à ce reportage, on va avancer, il nous reste peu de temps et il y a un mot qu'on a évoqué à quelques reprises et sur lequel on va se fixer maintenant puisque ce sont les derniers développements de cette théorie de la thermodynamique, de ces principes de la thermodynamique introduits par Rudolf Clausius, on le disait tout à l'heure, c'est cette notion d'entropie, Emmanuel Bertrand. Pourquoi est-ce qu'elle est importante et pourquoi est-ce que ça vient finalement boucler, conclure un peu tous ces déroulements, tous ces développements autour de la thermodynamique ? Alors elle est importante parce qu'en fait elle vient formaliser, rationaliser de façon claire et utilisable ce fameux second principe qui a été déjà étudié, remis à jour, mieux expliqué, explicité par Clausius dès 1850. Mais là il propose d'utiliser une grandeur qui permet en fait de faire une analogie entre le premier et le deuxième principe. En fait, c'est une façon de, quelque part, harmoniser cette belle construction théorique qu'est la thermodynamique et de dire que, ben, de même que le premier principe, de quoi il nous parle de l'énergie, eh bien, le second principe nous parle aussi d'une grandeur d'état, aussi d'une grandeur qui permet de caractériser un système, à savoir l'entropie. Et d'ailleurs, il dit explicitement hein, dans son mémoire de 1865, puisque c'est en cette année-là que Clausius crée cette notion d'entropie, il dit qu'il s'inspire directement de l'étymologie grecque de tropei, qui est la transformation, et surtout qu'il souhaite faire une analogie entre énergie, qui commence par le même préfixe en, et entropie, qui commence aussi par en. Camille Fadel. Pour faire la liaison entre ce qui vient d'être dit, l'entropie de Clausius et Carnot, on a dit tout à l'heure que le moteur de Carnot, c'est un moteur réversible, de meilleur rendement. Et on a aussi dit que dans un moteur, il faut une source chaude et une source froide. Le gaz qui va travailler reçoit de la chaleur de la source chaude et en cède une partie à la source froide. Ce que voit Clausius, justement, par les mathématiques, c'est que même si la chaleur reçue par la source chaude est évidemment plus importante que celle cédée à la source froide, la chaleur par unité de température, la chaleur par degré, la quantité de chaleur par degré reçue et la quantité de chaleur cédée par degré est la même. Pour être un peu plus clair, il est vrai que la source chaude, on reçoit davantage de chaleur, mais elle est plus chaude aussi, sa température est plus élevée. Il est vrai qu'on cède de la chaleur à la source froide, mais sa température est également plus basse. Il s'aperçoit de l'existence d'une grandeur qui semble se conserver dans un moteur réversible, c'est la quantité de chaleur par degré, qu'il appelle entropie. Et comment on en arrive justement à cette conception contemporaine de l'entropie, Emmanuel Bertrand, qui est cette effectivement de constante, d'irréversibilité, pour aller à l'inverse de ce qu'on énonçait tout à l'heure, qui estime que du coup un système, le désordre entre guillemets d'un système isolé, va toujours dans le sens d'une augmentation. Voilà, alors ça nous amène à formuler en fait ce qui est un peu en filigrane dans tout ce qu'on raconte depuis presque une heure, à savoir, bah, finalement, c'est quoi ce second principe ? Eh bien, ce second principe, il nous dit quelque chose d'assez simple, mais après, pas forcément simple à interpréter. Il nous dit que pour tout système thermodynamique, c'est-à-dire tout système matériel, tout système dans l'univers, où vous voulez, d'ailleurs, l'univers va être même un exemple pris par Clausius, pour tout système, l'entropie est une grandeur qui croît jusqu'à atteindre un maximum lorsque le système est à l'équilibre. Autrement dit, c'est l'introduction dans la thermodynamique de façon mathématisée et propre, j'ai envie de dire, de cette notion d'irréversibilité. Il y a effectivement une irréversibilité. Tous les systèmes ont tendance à accroître leur entropie. C'est ce que plus tard le prix Nobel de chimie belge, Ilia Prigogine, appellera la flèche du temps. c'est-à-dire grâce à ce second principe formulé en termes d'entropie, eh bien, il y a une direction du temps. C'est-à-dire que on le voit bien dans notre vie de tous les jours. Quand vous voyez une goutte d'eau se diluer dans un verre, vous ne la voyez jamais faire le chemin en sens inverse. Le temps tel qu'on le voit, tel qu'on le vit, à l'échelle macroscopique. À l'échelle macroscopique, exactement. C'est important. On y reviendra, c'est important. Va toujours dans la même direction. Il y a une flèche du temps. On peut définir un passé et un futur. On voit la puissance de ce concept. On part de la chaleur, on part du calorique pour arriver finalement à ce second principe de la thermodynamique qui aujourd'hui a envahi tous les domaines de la physique macroscopique. Beaucoup plus général, c'est-à-dire que l'entropie est née de l'étude des moteurs thermiques, mais finalement c'est une notion beaucoup plus générale. Et avec Boltzmann et cette conception vraiment atomiste de la matière corpusculaire, eh ben en quelque sorte, ça reviendrait, je pense, à dire que le système, tout système, évolue vers son état le plus probable. Puisque Boltzmann est celui qui va relier l'entropie à une probabilité, en fait. Oui, Emmanuel Bertrand. J'ai envie aussi, peut-être pour expliquer plus concrètement aux auditeurs ce que ça peut vouloir dire entropie. Qu'est-ce que c'est que cette bête étrange? Pour comprendre ça, c'est peut-être pas mal de voir le premier nom qu'a voulu lui donner Clausius. Il avait d'abord pensé à disgrégation. Et disgrégation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il y a une tendance naturelle qui est que les molécules s'éloignent le plus possible les unes des autres. Elles occupent le plus d'espace possible. Et donc, les systèmes matériels ont tendance à s'homogénéiser. C'est-à-dire que les molécules veulent occuper tout l'espace. Donc, disgrégation au sens de contraire d'agrégation. Elles ne se mettent pas les unes à côté des autres, mais elles s'éloignent les unes des autres. Et bon, j'aurais d'autres choses à dire, mais je veux pas monopoliser la parole. Non, pas du tout, oui, Camille Fallet. Une remarque que je voudrais faire par rapport à la goutte d'encre qui se dilue. On a dû qu'on n'a jamais vu l'encre se diluer, se reconstituer en gouttes. J'ajouterais, on ne l'a jamais vu de mémoire d'homme. Sans doute, si on attendait un temps très long, infini, bah, la goutte se reformerait. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Exactement, ça c'est très intéressant, je pense, ça peut stimuler les imaginations. Effectivement, rien ne dit qu'il est impossible que la goutte reprenne sa place initiale dans le verre d'eau, même quand elle a été complètement diluée. Sauf que, et c'est ça qui est intéressant, Boltzmann calcule le temps qu'il va falloir attendre pour voir ça. Eh bien, ce temps est très largement supérieur à l'âge estimé de l'univers. Autrement dit, on peut toujours rêver de le voir, mais ça n'arrivera pas. Et c'est intéressant, et ce sera vraiment le mot de la fin pour conclure, c'est qu'on arrive précisément à cette notion d'irréversibilité qui aujourd'hui commence à nouveau à être battue en brèche par la probabilité statistique que vous venez de décrire, mais aussi par la mécanique quantique. Oui, effectivement, il y a un vrai problème avec cette histoire d'irréversibilité qui est le problème sur lequel a tout de suite buté Boltzmann et qui intéresse à nouveau beaucoup de chercheurs depuis, je dirais, une cinquantaine d'années. C'est que c'est bien gentil de dire qu'il y a de l'irréversibilité, que les systèmes évoluent dans un certain temps. Mais sauf que si on dit que ces systèmes, et c'est Boltzmann qui fait ce lien, qu'on peut comprendre en gros le second principe, on peut le démontrer, c'est ce que fait Boltzmann, à partir du comportement microscopique des particules. Mais le problème, c'est que les particules, elles sont régies par des lois complètement réversibles, notamment l'équation de Schrödinger de la mécanique quantique. Donc, au niveau microscopique, tout est réversible et tout à coup, à notre échelle, il y a de l'irréversibilité. Ça, c'est un vrai problème et c'est quelque chose qui probablement est très fécond et va stimuler encore de nombreuses recherches. Et qui donnera lieu à une émission entière parce qu'effectivement, on va certainement pas pouvoir en faire le tour en quelques secondes. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux, Emmanuel Bertrand, merci Camille Fadel d'être venu nous parler avec brio de cette histoire de la thermodynamique. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Éléonore Pérez, Céline Lozen, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique demain, bien ce sera un vendredi fiction, nous aurons la chance de recevoir le biographe américain d'Howard Philip Lovecraft, ST Joshi, à l'occasion de la sortie de la traduction de son imposante biographie en deux volumes de l'auteur des Montagnes Hallucinées du Cauchemar d'Innsmouth, Je suis Providence, aux éditions ActuSF. Un entretien exceptionnel qui sera écouté donc demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.